de l'émission Autour de vous avec Laura sur Radio Gymnozo. Bonjour tout le monde, c'est Laura, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous. Je suis actuellement au téléphone avec Madame Martin. Bonjour, comment ça va ? Bonjour, ça va bien, merci. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots à nos auditeurs ? Alors, je suis donc Marianne Martin, des Lois, et je suis la présidente de l'association Classe 85. Et justement, c'est quoi l'association Classe 85 ? C'est une association, en fait, qui a ce nom par rapport aux classes. C'est les conscrits hein, de l'époque, c'est une longue histoire. On a monté ça dans les années 2000, enfin, c'est sur mon idée, pour pouvoir rassembler un petit peu de conscrits sur Eloi, conscrits et conjoints, bien sûr. Et depuis, après, on s'est mis en association pour proposer aux gens des lois et aux gens de l'extérieur, puisque notre association est ouverte à tout le monde, des manifestations de tout type, c'est-à-dire qu'on peut faire des concerts, on prend des bus, on amène les gens au concert, on en a déjà fait pas mal, on fait des balles, on fait des lotos, on fait des repas, voilà, on fait pas mal de petites choses. Et comment est-ce que vous l'avez créé, l'association ? C'est dans les années 2000, pour nos 35 ans, en fait, que je suis allée à la mairie chercher la liste des conscrits des lois. Et puis, j'avais rassemblé tout le monde à la maison, à l'époque, pour savoir qui serait intéressé de se retrouver. Et puis, de fil en aiguille, et ben voilà, on est un bon petit groupe, bien soudé, avec de bonnes idées, et puis tout se passe bien. Est-ce que vous avez créé un événement pour vos 35 ans ou pas ? Oui, tous les 5 ans, on essaye de faire un repas en restauration. Donc, on essaye aussi de retrouver ceux qui sont loin et qui peuvent venir. Bon, on n'a pas toujours eu la chance d'avoir des gens qui répondent ou qui ne pouvaient pas à la date là, par rapport au kilomètre. Mais oui, tous les 5 ans, on essaye de faire quelque chose d'un petit peu plus amélioré pour le comité, en fait, pour les membres. Et justement, combien de personnes compte le comité de l'association ? Alors là, 85 ? Nous sommes 16 cotisants, 16 membres à part entière pour aider, pour donner des idées. Est-ce que vous êtes à la recherche de bénévoles actuellement ? Alors, disons qu'on recherche des conscrits, hein, des gens qui sont nés donc en 65, qui habiteraient sur Eloi ou qui ont habité à l'époque sur Eloi et qui voudraient rejoindre le groupe, même s'ils ne viennent pas à chaque manifestation. Et selon nos nouveaux statuts, on peut aussi adhérer à des gens bénévoles cotisants, c'est-à-dire que même s'ils n'ont pas de notre âge, mais des gens à la retraite ou des gens qui veulent simplement participer à notre groupe, hein, à nos activités, venir rejoindre le groupe, ils payent leur cotisation annuelle, et ils peuvent venir aider aux manifestations, soit toutes, soit une ou deux, et puis faire partie de l'association quoi, en tant que cotisant bénévole. Quelles sont les différentes activités que propose l'association depuis sa création ? On organise des bus pour aller voir des concerts, ça a été la majeure partie des choses qu'on a faites déjà. Sur Nancy ou sur Metz, on a fait une fois Strasbourg aussi pour Dirty Dancing, parce que nous c'est souvent Metz ou Nancy pour les concerts. On fait des balles des années 80, là, cette année il aura lieu le 30 septembre à l'espace culturel des Lois. Le 19 novembre, toujours à l'espace culturel, on fait notre deuxième grand loto. Le 9 décembre, on va faire un autre bus pour le marché de Noël qui a lieu tous les ans et ça fonctionne vraiment très bien. Les gens sont assez friands de cette chose-là. Donc on offre des bus et les gens s'inscrivent. Ouais. L'année dernière c'était Metz, cette année peut-être que Kaisersberg, on n'a encore pas défini vraiment le lieu cette année. Nous allons maintenant aborder une sortie prévue à Verdun avec l'association justement. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Voilà, c'est la prochaine manifestation, donc c'est un bus qui est affrété pour aller à Verdun au plus grand spectacle d'Europe sur 14-18, qui se nomme Des Flammes à la Lumière, et qui aura lieu le samedi 24 juin 2023. Donc pour ce faire, il faut nous appeler au 06 45 37 65 13. On vous donnera toutes les infos, hein, les horaires de départ. Donc on peut prendre aussi des gens sur Épinal. Donc le départ principal c'est Eloi. Et un quart d'heure après, on peut être à Épinal pour prendre des gens qui sont sur le côté là-bas. Il n'y a pas de souci. C'est 40 € pour les adultes et il y a un tarif enfant qu'on peut voir quand on nous appelle, quoi. Alors moi j'ai eu il y a quelques semaines Jean-Luc Demande qui est metteur en scène et créateur du spectacle Des Flammes à la Lumière et à ce qui paraît c'est superbe à voir. Est-ce que vous avez déjà été là-bas auparavant ou pas ? Pas du tout, ça va être une première pour tout le monde de l'association. On n'en a entendu que du bien, c'est vrai. C'est pour ça qu'on s'est dit, pour diversifier un petit peu le style de nos sorties, on allait proposer cette manifestation quoi. Il y a beaucoup de pyrotechnie, c'est mis en conditions réelles, il y a beaucoup de comédiens et de figurants. Voilà, c'est ça. Quand je l'ai interviewé l'année dernière, ça donnait vraiment envie d'y aller. Oui. On voit aussi sur Internet, hein, on est allé jeter un petit œil, et c'est vrai que ça a l'air vraiment très très bien. Et jusque quand on peut s'inscrire pour aller à cette sortie? Alors là, le problème, c'est qu'on a l'option que jusqu'au 14 mai. Donc là, il nous reste 5 places. Ça a bien marché quand même. Donc il reste 5 places. Si des gens sont intéressés, faut pas hésiter à nous contacter. Il reste 5 places, mais vous en aviez prévu combien au départ? 53. Ah, effectivement, ça marche bien. Places. C'est super. Et comment est-ce que vous avez eu l'idée d'aller voir ce spectacle? On cherche un petit peu tout le temps sur Internet ce qu'il peut y avoir dans la région. Hein. Parce qu'on veut pas non plus faire des bus qui vont trop loin. Les gens veulent bien se déplacer, mais faut pas qu'il y ait 3 heures de route. Donc voilà, on essaye de chercher, de diversifier. Là, on n'avait encore jamais fait son et lumière, donc c'est une première. On est assez satisfait des réponses, quoi, de voir que les gens sont intéressés. On touche pas le même public, en fait, que quand on va voir un chanteur, voyez. Et comment ça s'organise, de tels événements? Eh bien, on met en place, on a quelqu'un de la classe qui nous fait les affiches. Et puis, moi, je remets sur notre site Facebook en ligne. Et ben, les gens doivent nous appeler au numéro qui est affiché afin de pouvoir réserver et puis avoir les infos, si pas forcément réserver tout de suite, mais avoir quelques infos sur le tarif, sur le déplacement, sur les horaires et tout ça. Et à la fin, ben, celui qui réserve doit nous envoyer son règlement pour valider la réservation. C'est-à-dire que quand on nous appelle, c'est une option, et dès qu'on reçoit le règlement, ça devient une validation de réservation. Et les chèques sont encaissés en général un peu avant le spectacle, sauf pour les chanteurs, c'est quand les salles de spectacle nous donnent le feu vert, comme là on fait panier au mois de juillet, on doit régler avant le 5 mai là. Donc je mets toujours un petit mot sur notre page Facebook en disant attention, ceux qui ont réservé, vos chèques peuvent être encaissés. Et comment est-ce que vous vous organisez au niveau du transport pour les différentes sorties que vous proposez en dehors des Vosges par exemple? Alors en général, on prend toujours le même transporteur. Et en général, il y a toujours une ou deux personnes de l'association donc qui sont là pour gérer le bus, puisque on a un listing, hein, avec le nom, prénom de chaque personne. Et c'est toujours une personne de l'association qui gère le bus, qui fait le pointage à l'arrivée, qui donne les billets, puisque nous, en amont, sur les billets d'entrée, par exemple, comme le spectacle, on note les noms des gens, comme ça, ils sont déjà placés, tout est prêt, on garde les billets, nous, on les donne que dans le bus, comme ça, il n'y a pas d'oubli, il n'y a pas de perte et tout, et c'est nous qui gérons tout de A à Z. Et comment ça se passe si quelqu'un annule? Alors, comme c'est précisé également sur nos publicités, on rembourse que si on trouve quelqu'un pour remplacer. Donc, soit la personne trouve quelqu'un pour remplacer, soit nous, on a des appels et on peut reprendre la personne là à la place de l'autre. Sauf si vraiment c'est une maladie, comme quand il y a eu le Covid et tout. Donc là, ben, ma foi, on remboursait et puis c'était pour nous, quoi. Et à quelle heure est-ce que vous partez d'Éloi pour la sortie de Verdun? C'est 19h, 19h à Éloi et 19h15 sur Épinal. Donc quand c'est Épinal, c'est sur le parking en face de chez Renault, près du Décathlon, le grand parking qu'il y a là, pour que le bus puisse manœuvrer. Est-ce que vous comptez les personnes qu'il y a dans le bus pour être sûr que tout le monde est là? Ben, disons que c'est ce que je vous dis, on a le listing au départ, donc on les pointe à chaque fois qu'ils viennent vers nous avant de monter dans le bus, on les pointe, donc forcément on sait si tout le monde est là. S'ils sont pas là, comme à la réservation, avec le chèque, on demande des numéros de téléphone, et ben on appelle en disant, ben voilà, vous êtes pas là, qu'est-ce qui se passe, quoi que ce soit. Mais en général, les gens sont réguliers, hein, et on n'a jamais encore eu de soucis. Est-ce que vous avez déjà reçu des retours des différentes sorties que vous avez organisées? Tout à fait, sur notre page Facebook, donc justement intitulée Association Classe 85. Les gens font des retours de nos manifestations, de leurs sorties. Non, pour l'instant, on n'a jamais eu de critiques. En fait, tout est bien. On fait Holiday on Ice mi-avril. J'ai donc remis des photos sur la page. On a eu de bons commentaires, quoi. Personne qui était allé. J'ai vu que vous avez été également voir les Baudins il y a quelques mois. Est-ce que vous y avez été? On l'a fait plusieurs fois, les Baudins, parce que ça a été une grosse demande aussi. Et c'est vrai que c'était formidable. Hein. Là, c'est une bonne tranche de rigolade pendant 2 heures de temps. C'est vraiment super. On a fait les Baudins, on a fait en chanteur, on en a fait plusieurs. Hein. Là, on fait Soprano Pani, on a fait... c'est qu'on a fait encore? Je ne me reviens pas... On a fait tellement de chanteurs que je ne sais même plus. Donc, sur toutes les années de... qu'on fonctionne, il y a quand même beaucoup de choses. Hein. Je vous dis, là, on a fait Holiday on Ice, ça a changé un petit peu aussi de notre répertoire habituel. Et vous, en tant que présidente et spectatrice, de tout ce que vous avez organisé et participé, quel événement vous a le plus plu? Disons que j'aimais bien notre repas loto, parce que tout au début, on a voulu faire un repas loto Beaujolais. Donc on faisait le Beaujolais nouveau et on faisait donc le repas et après on distribuait nos cartes de loto après le dessert. Et c'est vrai que ça marchait très très très très bien, les gens aimaient bien le principe. Ça s'est jamais fait en fait, hein. C'était nous qui faisions ça, mais le Covid a fait souffler tout ça et là du coup on a arrêté le repas, mais on fait que loto. Mais c'est vrai que le repas loto, ça me plaisait beaucoup. Après c'était du travail, hein, c'est sûr, mais c'était assez convivial, sympathique, on avait à peu près toujours les mêmes gens et c'était vraiment sympathique. Et quel genre de lot vous proposiez aux gagnants du loto ? Alors bon, on avait un petit peu comme tous les lotos, il n'y a que le dernier là qu'on a fait que loto en fait, où là on a mis le paquet, on avait un voyage à 2000 euros en gros lot. Ah ouais ouais, et le reste c'était quand même du boulot, hein. Il y avait imaginé la vaisselle, il y avait de beau lot, on avait vraiment voulu mettre le paquet pour ce premier grand loto. Donc là au mois de novembre on va en faire un deuxième et c'est pareil, on va essayer de trouver des super lots quoi. Moi, j'adore le loto. Des fois, il me reste juste un numéro, puis ah oui, on entend derrière. C'est moi, je l'ai. Ah, c'est rageant, hein. Oui, bah moi, je vais à peu près à tous les lotos des associations bellois, là. Et c'est vrai que souvent un numéro, mais bon, sur le nombre de participants, hein. Mais ça passe la soirée. Moi, j'essaye d'aller à toutes les associations, hein, sur Eloi, participer à toutes. Il y a pas mal d'associations quand même à Eloi, parce que moi, je suis d'Eloi. Tout à fait. Mmh. J'en ai cherché justement pour mettre un peu la ville d'Eloi en avant. Il y en a quand même beaucoup, je trouve. C'est déjà ah, oui, que ce soit sportif, culturel ou autre, on est beaucoup, oui. C'est bien pour une petite ville de 3000 habitants, je crois. 3005, oui, pas tout à fait. On a baissé un petit peu, oui. Du coup, est-ce qu'on peut vous retrouver sur Facebook? Tout à fait. Donc, on a une page Facebook intitulée Association Place 85, où on est tous habillés avec nos polos violets. Et là, on note tout ce qu'on fait. On note, là, comme ce week-end, j'avais mis un petit mot à tout le monde, savoir ce que les gens aimeraient qu'on leur propose, quoi. Donc, on a beaucoup de choses qui sont ressorties, comme des soirées dansantes, des karaokés, des choses comme ça. Donc, on va travailler là-dessus, savoir ce qui serait le mieux à proposer. Après, le souci qu'on a, c'est aussi beaucoup par rapport aux locations de la salle de l'espace culturel, parce qu'elle est tellement prise qu'on n'a pas toujours le choix d'avoir de nouvelles dates, quoi. Entre les associations et les privés, la salle est souvent prise. Et pour le nom de l'association Classe 85, je me demandais ce que c'était parce que vous faisiez partie du même milieu scolaire, par exemple, les différents membres, etc. Non, c'est une ancienne, comment vous dire. Vous savez, dans le temps, il y avait les conscrits, ça se fait plus maintenant. Mais les conscrits, c'était des gens qui étaient tous de la même classe. Donc la classe 85, c'est ceux qui sont nés en 1965, en fait. Donc c'est pour ça qu'on a pris ce nom, Association Classe 85. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite à vous et à l'association ? Eh ben que nos manifestations tournent toujours aussi bien, voire mieux, que les gens se mobilisent pour ressortir, pour reprofiter un petit peu de tout ça, quoi. Voilà, que nous après on se plie bien dans notre groupe, on est vraiment franchement un groupe soudé et à l'écoute des gens. S'il y a besoin de quelque chose proposé, on sera toujours à l'écoute. Cette interview est maintenant terminée, Madame Martin. Merci d'avoir été avec nous. Ben, je vous en prie, à bientôt. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie, que vous n'hésiterez pas à nous recontacter pour d'autres événements, pour même faire découvrir votre association sur nos ondes. Pourquoi pas. Faudra qu'on trouve un petit créneau quand même. Quant à nous, auditeurs et auditrices de RGM, on se retrouvera très prochainement pour une nouvelle d'Autour de vous. En attendant, prenez soin de vous, c'était Laura, bye tout le monde.